بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دراستنا في كتاب صفة الصلاة، سائلين الله عز وجل العلم النافع والإخلاص في القول والعمل والثبات والتوفيق. وبعد، ما زلنا في دراسة البسملة. قال المصنف في مسألة البسملة بعد أن ذكر مسألة الاستعاذة، فقال في مسألة الاستعاذة أنه بعد الاستفتاح بواحد مما تقدم يقول المصلي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، أو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذكرنا هذه الصيغ بحمد الله جل وعلا، ثم انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة البسملة. مسألة البسملة، فقال: يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة تامة على الوجه الذي نزلت عليه، أي بحروفها وحركاتها وتجديداتها وسكوناتها، بحيث لا يغير شيئا منها إماما كان أو منفردا أو مأموما، فإن غير شيئا منها نظرنا إن كان يحيل المعنى لم تصح، وإن كان لا يحيل المعنى صحت. لو قال مثلا: d'ouverture, barclofik, l'invocation d'ouverture, les différentes façons wa darasna ba'd al-masail al-muta'alliqa bi du'a al-istiftah. Après qu'on ait étudié l'invocation d'ouverture et certaines questions relatives à l'invocation d'ouverture, l'auteur intaqala ila mas'alat al-isti'ada. L'auteur ensuite nous dit que le prieur, lorsqu'ensuite il a invoqué Allah azza wa jalla avec ses invocations, ses différentes invocations qu'on a apprises, les différentes manières, mais on utilise une manière pour chaque prière, comme on l'a cité dans les assises précédentes, le prieur ensuite demande ou cherche refuge auprès du Créateur contre le démon ou le Satan lapidé. Et donc on a cité les différentes manières. Les savants ont cité différentes manières pour demander refuge, ce qu'on appelle al-istirada. Al-istirada, le fait de dire « A'udhu billahi » min ash-shaytan ar-rajim, différentes manières comme c'est rapporté dans les textes. Et en l'occurrence, Cheikh Al-Albani, dans son livre concernant la description de la prière, aussi lui les mentionne. Il mentionne, comme Cheikh Ibn Al-Athaymin, dans son livre, il les mentionne, ces différentes manières de chercher refuge auprès du Créateur. Cheikh Al-Albani aussi, dans son livre, les mentionne. Alors on peut dire de cette manière, on avait appris « A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi » On peut dire de cette manière, qui veut dire « Je cherche protection auprès d'Allah contre le démon maudit, contre sa tentation, son inspiration et sa suggestion. » Et sa suggestion, ça c'est la traduction en français relative de cette manière de chercher refuge auprès d'Allah. Certains savants ont dit que la tentation, citée dans l'invocation, regardez, on dit « Je cherche protection auprès d'Allah contre le démon maudit, contre sa tentation. » Lorsqu'on dit « A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi » Là, dans le sens, ici, je cherche protection d'Allah contre le démon maudit, contre sa tentation. Ils ont traduit comme ça « min hamzihi ». En fait, sa tentation ici a été interprétée par certains narrateurs comme étant elle, ce qu'ils appellent un genre de folie. C'est une sorte de folie. Son inspiration a été interprétée par le narrateur comme étant l'orgueil et la suggestion comme étant la poésie. Vous avez vu, il y a trois choses qui sont citées. Il y a trois choses qui sont citées, la tentation, l'inspiration et sa suggestion. Je demande protection près d'Allah contre le Satan lapidé, contre sa tentation, contre sa suggestion, ou bien avant l'inspiration, contre son inspiration et sa suggestion. Il a été dit que sa tentation, c'est-à-dire une sorte, un genre de folie, son inspiration a été interprétée par le narrateur comme étant l'orgueil, et la suggestion comme étant, comme on l'a dit précédemment, la poésie. Et ces trois interprétations, certains disent que ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission authentique. Avec une chaîne de transmission authentique. Donc ça, c'est la première manière qui a été citée. On peut dire de cette manière, « A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim » On peut dire aussi de cette manière, qui veut dire « Je cherche protection auprès d'Allah. » As-sami' al-alim, as-sami', c'est-à-dire as-sami', celui qui a l'attribut de as-sama', qui est l'audient, subhanahu wa ta'ala, al-alim, souvent traduit par celui qui a la science infinie, subhanahu wa ta'ala, et éternelle, et parfaite, contre le Satan lapidé. Ou on peut dire, la manière célèbre, a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, je cherche protection d'Allah, contre le Satan lapidé. Après qu'on ait demandé protection, l'auteur intaqala ila mas'alat al-qira'a. L'auteur ensuite cite la question de la lecture maintenant du Coran. Donc on commence ensuite bi surat al-Fatiha comme on avait cité. Et il dit donc pour cela, on dit ce qu'on appelle al-basmala. On commence avec al-basmala. Et il dit donc on doit réciter al-basmala, c'est le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim et ensuite on récite surat al-Fatiha. On avait fait un rappel la fois dernière que l'auteur avait insisté sur le fait de réciter surat al-Fatiha de la manière authentique, c'est-à-dire comme elle a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit l'imam, que ce soit le prieur lorsqu'il prie seul, ou que ce soit le fidèle lorsqu'il prie derrière l'imam, par exemple à voix basse, il doit réciter le Fatiha, de bien réciter al-Fatiha. Et on a dit, pour la question concernant le fidèle lorsqu'il prie une prière à voix haute, avec l'imam, est-ce qu'il récite Al-Fatiha ou non? On prendra cette question en détail dans ce qui viendra, Inch'Allah, dans les assises prochaines, Inch'Allah. Mais l'auteur dit alors, en lisant Surat Al-Fatiha, il faut faire des efforts de ne pas se tromper dans la récitation. Il dit, si la personne récite et se trompe, alors on regarde. Est-ce que ça change le sens? Est-ce que son erreur change le sens ou bien son erreur ne change pas le sens? Si son erreur change le sens, par exemple, il transforme une voyelle par une autre voyelle. Par exemple, au mieux de dire an'amta alayhim et dire an'amtu alayhim. Là, ça change le sens totalement. Donc là, il dit sa lecture n'est pas valable. À ce moment-là, la lecture n'est pas valable. Parce que c'est an'amta. Yakun al-mun'im hu Allahu azza wa jal, comme on avait illustré cela dans la dernière assise. Par contre, il dit si wa in lam yataghayyar al-ma'na fa in ta'ammadahu fala yajuz lakin la yubtil al-fatiha mithl alhamdulillahi rabb al-alamin. S'il dit par exemple alhamdulillahi rabb al-alamin, là c'est une erreur. Pourquoi? Puisque as-sawab c'est alhamdulillahi rabbil alamin, mais là il dit rabb al-alamin au lieu de dire rabbi al-alamin. Alors à ce moment-là, il dit wa in lam yataghayyar al-ma'na fa in ta'ammadahu fala yajuz. Là, il va citer deux choses. Le fait qu'il l'a fait volontairement et le fait qu'il ne le fait pas volontairement. Dans ce cas-là, il fait allusion au fait qu'il le fait volontairement. Dans tous les cas, ce cas-là, contrairement au premier cas, il ne change pas le sens. Le premier cas, on a dit lorsque ça change le sens, la lecture n'est pas valable. Dans ce cas-là, ça ne change pas de sens. Il a changé une voyelle, mais ça ne change pas le sens. Vous avez vu, pourtant, dans le premier cas, il a changé une voyelle, mais ça change le sens. On comprend que parfois, si on transforme une voyelle, ça peut changer le sens et parfois non. Malgré qu'il faut lire avec la bonne voyelle. Sauf que lorsqu'on dit « an'amtu alayhim », là, ça change totalement le sens. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « an'amta alayhim », c'est-à-dire on invoque, on dit « de ceux dont tu as comblé ». Si on dit « an'amtu », ça veut dire que « moi j'ai comblé ». Ça change totalement le sens. Lorsqu'on dit « alhamdulillah », Rabb al-alamin, au mieux de dire Rabb al-alamin, ça change pas de sens. Par contre, s'il dit celui qui fait volontairement, la yajuz, c'est pas permis. C'est interdit ce qu'il vient de faire. C'est interdit. Par contre, il dit, ça n'annule pas sa récitation. Ça n'invalide pas sa récitation. Ensuite, l'auteur, parmi les choses qu'on a appris, on verra plus en détail, le fait ensuite qu'il dit de lire aya, aya. Le fait de lire verset par verset. Verset par verset, c'était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, nous, concernant la lecture de l'Fatiha, on a des masaïls à prendre. On a des masaïls qu'on va apprendre, inshallah. Alors, le masaïl qu'on avait commencé à prendre, concernant lorsqu'on va commencer la récitation de l'Fatiha, si c'est une récitation à voix haute, est-ce que la basmala, on la récite à voix haute ou bien on la récite à voix basse? Donc la dernière fois, on avait détaillé cette question. On avait détaillé cette question. Et al-khulasa fi hadhihi al-mas'ala ikhtalafa ahl al-ilm. On avait dit que les savants ont divergé sur cette question. Fi al-jahri bil basmala fi as-salat fa minhum man qala yajharu biha. Certains savants ont été d'avis que il faut la réciter à voix haute. Il faut réciter al-basmala à voix haute. On avait dit que ça c'est madhhab al-imam al-shafi'i. Que ça c'est l'avis de l'imam al-shafi'i. Et qila faminhum man qala yajharu biha wa huwa qawl al-imam al-shafi'i wa qawl al-shafi'iyya wa minhum man qala la yajharu biha wa huwa qawl al-jumhur. Et certains savants, et c'est l'avis de la majorité, eux considèrent qu'il ne faut pas la réciter à voix haute. Et ça c'est l'avis, on a dit, de la majorité des savants. La majorité des savants. Pourquoi? Parce que comme on avait dit, et l'imam Ibn Qayyim, on avait dit que le cheikh qui a commenté Sifat Salat Nabi de Cheikh Al-Albani, le commentateur, a fait allusion, il a fait référence à la parole d'Ibn Qayyim, ou ce qu'il a écrit dans le kitab Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad. Et que c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à voix haute. Et donc, c'est rapporté de certains compagnons qui l'ont dit à voix haute. Et aussi à voix basse. Sauf que dans le khulasa, on ne va pas reprendre la massa puisqu'on l'avait bien détaillé la fois dernière, mais le résumé de cette question, qu'est-ce qu'on avait dit? Un très beau tafsil. L'auteur ensuite avait conclu avec un beau tafsil, fi hadhihi al-mas'ala, qala, وَالسُنَّةُ فِي الْإِثْنَيْنِ وَلَيْسَتْ فِي أَحَدِهِمَا. La sunna est dans les deux. Vous vous rappelez lorsqu'on avait dit ça? La sunna est dans les deux. Et non, وَلَيْسَ فِي أَحَدِهِمَا. Et non dans l'un seulement. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sont rapportés. Pourquoi? Parce que si c'est rapporté que certains compagnons, par exemple, le disent à voix basse, le disent à voix basse, c'est qu'ils ne l'ont pas fait de eux-mêmes. C'est qu'ils ont appris cela auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si c'était récité à voix basse, c'est qu'ils l'ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, qala, yusannu al-jahru bil basmalati ahyanan, wa yusarr, ويسر بالبسملة قال شوف على لين فيسن الجهر بالبسملة أحيانا والإصرار بها غالبا لأن الأكثر الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة. Alors le résumé, la conclusion, on avait dit qu'il est permis de la dire à voix haute, mais le plus souvent on la dit à voix basse. Le plus souvent, غالبًا, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, on récite al-basmala à voix basse. Sauf qu'il est permis, yusen, il est bon, les mêmes sunnah, tantôt de réciter à voix haute. Sauf que, walaw anna al-insan jahara bil basmalati li ta'lim in-nas ahyanan wa kana ghalib halihi al-israr fihi faqad wafaqa dhalika aw bidhalika as-sunnah. Il dit, donc si la personne, par exemple, de temps en temps, il va la dire à voix haute. Par exemple, pour enseigner aux gens, al-basmala. Et dit, yusan, c'est sunna de, c'est sunna, et c'est bon de faire ça. Mais, il dit, la majorité du temps, il dit, le fait de la dire à voix basse. Wa ghalib halihi al-israr fihi qad wafaqa dhalika aw bidhalika as-sunna. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'il nous avait dit. Et وهذا كلام شيخ محمد بزمول حفظه الله dans son commentaire, il dit pourquoi? Par rapport à ce qui est rapporté de compagnons. Comme on avait dit, les compagnons, c'est rapporté que certains d'entre eux l'avaient déjà récité à voix haute, la basmala. وعليه نقول هذا الصحابي ما جهل بالبسملة إلا عن أصلي علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Si des sahabis, des compagnons, ils l'avaient récité à voix haute, c'est qu'à la base, ils l'ont appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait, le geste ou la pratique du compagnon, il dit « daliloun ». C'est un argument, c'est une preuve indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc déjà dit à voix haute. Si c'est rapporté de certains compagnons qui l'ont récité à voix haute, al-basmala, on avait dit, ça indique quoi? C'est une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a déjà dit à voix haute. Pourquoi? Parce que nous, ce qui est important de savoir, est-ce que le prophète l'a dit à voix haute ou non? Est-ce que c'est rapporté du prophète que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit à voix haute ou non? Et c'est pour cela que les savants aussi, dans les questions, pour élucider certaines choses, pour savoir est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ou dit une chose, ou est-ce que ça a été appris du prophète, les savants observe les avis et les pratiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pris en considération, puisque les compagnons, lorsqu'ils pratiquent une chose, c'est qu'ils l'ont vu, appris, pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et les bénédictions soient sur lui. Que les prières et les bénédictions soient sur lui. Surtout, lorsque les compagnons parfois faisaient une chose, où on dit une chose, et ils n'ont été aucunement contredits par d'autres compagnons. Certains savants appellent ça même un consensus silencieux. Un consensus silencieux chez les compagnons. S'il est rapporté un avis, un dire d'un compagnon, il n'a pas été contredit, comme à titre d'exemple, la question concernant la femme qui allaite, ou la femme enceinte, et par peur pour l'enfant, par exemple, n'a pas jeûné. Donc, elle a manqué des jours de jeûne du Ramadan. C'est rapporté que Abdal ibn Abbas, d'après Abdal ibn Abbas, rapporté aussi d'Abdal ibn Omar, que lorsque la question leur a été posée, ils ont dit « elle nourrit pour chaque jour ». Elle nourrit un pauvre pour chaque jour. Certains savants ont regardé, ont observé, et ils ont dit « ça c'est la fatwa des compagnons » et ils n'ont pas été contredits. Ils n'ont pas été contredits, ils n'ont pas de rapport que d'autres compagnons ont fait autre fatwa contredisant cette fatwa. Alors certains savants, en l'occurrence lui-même, l'auteur, Cheikh Mohamed Bazmoul, a un livre qu'il appelle « At-Tarjihat » où qu'il mentionne les avis les plus justes dans des questions qui a divergence. Et dans la partie sur les questions du jeûne, il évoque cette question-là et Yamil, il penche vers l'avis de Cheikh Al-Albani sur cette question. Puisque c'est l'avis aussi de Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Al-Albani défendait cet avis. Le fait qu'elle nourrit pour chaque jour, un pauvre. Du fait que cette fatwa est rapportée à l'époque des compagnons, de Abdallah ibn Abbas, si je ne me trompe pas, et de Abdallah ibn Omar, ils n'ont pas été contredits. Et donc, dans Kitab Tarjihat, lui-même l'auteur, il dit Hada yu'tabar ijma'. Ijma' sukuti. C'est considéré comme un consensus silencieux. C'est une traduction littérale. Consensus silencieux, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été contredits. C'est comme si que c'était un consensus à l'époque des compagnons. C'est pour ça que certains savants défendent cet avis. Donc je vous ai juste donné un exemple, là on revient sur notre question de Al-Basmala. C'est un exemple, lorsque des compagnons, regardez, les savants observent la pratique des compagnons. Parce que les savants savent que les compagnons, ce qu'ils mettaient en pratique, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, c'était tiré et pris des enseignements et de ce qu'ils ont vu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, pour conclure cette question, regardez ce qu'il dit. Il dit donc, la preuve est que si des compagnons, il est rapporté que certains ont récité le basmala à voix haute, la preuve est que, cela indique, le prophète l'a déjà fait. Sauf que, دليل على أنه صلى الله عليه وسلم جهر بها ومن أسر بها دل على أنه لم يسمع الرسول يجهر بها. Mais les compagnons qui l'a récité à voix basse et non à voix haute, ça indique quoi? Ça indique qu'ils n'ont pas entendu le prophète صلى الله عليه وسلم la réciter à voix haute. Et comme on a dit précédemment, nous ce qu'on veut savoir c'est ce que faisait véritablement le prophète. Est-ce qu'il l'a récité à voix basse ou bien voix haute. Et ça, c'est important pour le prieur, de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et de ce fait, certains savants disent, mais le fait de réciter à voix basse, c'est rapporté, c'est ce qui est plus rapporté. Pour ça, ils disent, غالب الأحوال, de réciter à voix basse, de ne pas la dire à voix haute. هذا خلاصة المسألة. خلاصة المسألة. وإلا فيها تفصيل. Pourquoi ? Parce que certains ont dit que juste cette question-là, elle pourrait être rédigée en un grand volume. Kitabun Dakhmun, comme on l'avait cité la fois dernière. وهذا في كلام الشيخ لما قال في كتاب زاد المعاد d'Ibn al-Qayyim. Lorsqu'il a fait allusion à cette question, Ibn al-Qayyim, regardez ce qu'il dit. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. Je vous le cite en arabe parce qu'à Fadara je l'ai traduit. Donc je la cite qu'en arabe et je continue dans les masail qu'on doit apprendre. Regardez Ibn Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il disait وكان صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم taratan wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha. Vous avez vu, il le dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit, bon, je vous le traduis, j'avais dit que je ne traduisais pas. Je le traduis parce que je suis certain qu'on a besoin de révision. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on a oublié la parole d'Ibn al-Qayyim. Peut-être que vous, non. Beaucoup ont oublié la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc, le rappel est toujours profitable. Regardez, Ibn Qayyim, c'est lui qui le dit. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le disait tantôt à voix haute, à basmala. وَيُخْفِيهَا أَكْثَرْ مِمَّا يَجْهَرُ بِهَا. mais la majorité du temps, il récite à voix basse. Ibn Qayyim, il le cite ça aussi. La majorité du temps, il le cite à voix basse. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah que vraiment les questions de la prière, on va essayer de maîtriser les questions des prières. C'est vraiment très important. C'est le deuxième pilier de l'islam, c'est une adoration qu'on pratique quotidiennement. Et Inch'Allah, qu'on essaie de conclure l'étude du livre, on demande à Allah, Jalla wa Ala, an yassirana dirasat هذه المسائل بالتفصيل بكل التفاصيل في مسائل الصلاة jusqu'à ce qu'on arrive à une maîtrise de certaines questions de la salat. Pas tout, parce que ça c'est toute une vie d'études. La science et le savoir se prend pas en peu de temps, mais d'étudier une grande partie de questions avec des détails, et toute notre vie c'est un cheminement pour apprendre du berceau jusqu'au tombeau. En fait, qu'est-ce qu'on fait de cette vie? On va pas. Il faut travailler, il faut vivre, bien sûr. Il y a des occupations, il faut travailler. On n'a pas été créé pour travailler et mourir. C'est certain. Lorsqu'on entend certains, nous le disent. Ils disent, bon, je travaille, jusqu'à là, je vais mourir. Après, je meurs. Certains, j'ai même entendu une personne, pas si longtemps, a dit, je travaille jusqu'à ce que je meure. Naram, oui, tu vas travailler, il faut gagner sa vie. Mais pas travailler matin, midi, soir et mourir quand même. C'est dramatique. C'est tragique. La personne, c'est à la fin de sa vie, fait le décompte, si Allah Azza wa Jalla lui donne longue vie jusqu'à 60, 70 ans et plus, il se rend compte, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? N'a rien appris, très peu de pratique, très peu de culture religieuse, très peu d'assises, très peu de science. Il meurt. Alors que le délice et le plaisir dans cette vie d'ici-bas, c'est ibadatullahi azza wa jal. C'est l'adoration d'Allah. Et parmi les plus grandes adorations, l'apprentissage de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, on nie pas le fait. La personne, il n'est pas. Il ne vit pas dans un autre monde. Il vit sur terre. Il faut gagner sa vie. Il faut faire risque. Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler. Un temps pour soi. Un temps pour ses proches. Un temps pour ses bien-aimés. Un temps pour ses camarades et ses amis, un temps pour son créateur, subhanallah. Il faut un temps pour son créateur. Et lorsqu'on apprend la religion, c'est le temps qu'on donne pour nous-mêmes, pour la science bénéfique, mais cela on le fait pour notre créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très important. Donc regardez Ibn Qayyim, subhanallah. Ce que nous on est en train de lire, là, d'Ibn Qayyim, il écrit en voyage. Ça veut dire que même en voyage à l'époque, il est dans l'ibada. En principe, en voyage, on voyage, et puis on voyage physiquement et aussi moralement, spirituellement, on voyage quoi. Mais là, lui, il voyage physiquement, mais il est toujours dans l'ilm, dans la science. Il écrit. Et nous, on lit quelque chose, une faïda, que lui a écrit alors qu'il était en train de voyager. Regardez là, les exemples de Ahl al-ilm. Al-ulama, voilà cet al-anbiya. Et donc il nous dit la majorité du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité à voix basse. Wa la raib annahu lam yakun yajharu biha da'iman fi kulli yawm wa layla khams marrat abadan. Et il dit, il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a récité pas à voix haute cinq fois dans toutes les prières, que ce soit en cas de résidence ou en voyage. Wa kana yurfi dhalika. Et que les compagnons, surtout les quatre califes bien guidés, l'auraient pas su. Parce que si le prophète kana yajharu biha da'iman, ça aurait été rapporté. On l'aurait su que le prophète, tout le temps, il l'a récité à voix haute. Et ça, c'est très pertinent ce qu'il dit. Et donc, la majorité des compagnons l'auraient rapporté cela. Et c'est là qu'à la fin, il dit wa hada mawdi' yastad'i mujalladan dakhman. Et il dit ça vraiment, cette question-là, elle nécessite un volume immense juste pour cette question-là. Vous vous rendez compte? Et juste avant, on aurait pu se poser la question. Bon, on récite à voix haute, à voix basse. Bon, on va passer notre messala. On passe à une autre question. Mais regardez, les savants tellement ces questions, si on se pose la question, est-ce que c'est vraiment important? Naam. Le cheikh dit cette question-là, elle mérite un grand volume. Pour détailler tout ce qu'il y a sur cette question-là de réciter à voix haute ou à voix basse. Parce que Ce qui fait la différence. Si on récite, par exemple, on est dans la question de la basmala, le prieur, imam, seul ou fidèle derrière, lorsqu'il récite la basmala, il réfléchit, il la récite à voix haute ou à voix basse, dans la majorité du temps à voix basse. À ce moment-là, il le fait par habitude et pratique, c'est une chose, mais quand à ce moment-là, il récite, et là, il dit bismillah, il pense que le prophète sallam faisait comme ça. Il se rappelle, je fais la sunna du prophète sallam. Là, le mérite est autre. Le fait de mettre l'attention, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une masa. Mais si dans toutes les masées de la salat, on les maîtrise avec l'adilla, comment est-ce que le prophète sallam faisait? Et on se remémore la manière dont le prophète faisait sa prière. Et on se rappelle que je fais ça par suivi du prophète sallam aussi. Eh bien, le mérite est encore plus grand de toujours se remémorer le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Nantaqi la masalatin ukhra. Donc on continue, inshallah, sur al-masail. Qala Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. On va continuer toujours sur les questions importantes concernant cela. On avait dit ensuite que le Cheikh va nous expliquer que Al-Fatiha, la sunna du prophète, c'est de la réciter verset par verset. Lorsqu'on a dit Basmala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, verset par verset. Ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de réciter avec ce qu'on appelle Tartil. Avec Tartil. Pourquoi? Parce que les savants, وهذا الفصل من كلام المصنف وهذا الفصل من كلام المصنف. Cette masala, on va l'apprendre après que l'auteur ait cité le hadith, l'importance de la lecture de l'Fatiha. Al-Fatiha sab'a ayat awwaluha alhamdulillahi rabbil alamin. Donc regardez, Al-Fatiha est composée de 7 versets. C'est pour ça qu'elle a plusieurs appellations. Parmi les appellations, sab'a al-mathani. Par exemple, Umm al-kitab, Umm al-Qur'an. Elle a différentes appellations, sourate al-Fatiha. Fatiha al-Kitab, par exemple. C'est une sourate à 7 versets. Awwaluha, alhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite, donc, on peut voir qu'ici, que l'auteur considère que le premier verset de al-Fatiha, c'est alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce que al-Fatiha est un verset? Elle fait partie des sourates comme al-Fatiha ou non? Al-Basmala, barakallahu fikoum. Al-Basmala, est-ce qu'elle fait partie de l'Fatiha ou non, ou des autres sourates? On va venir à cette masala. On va venir à cette question. L'auteur là, on traduit littéralement ce que nous dit l'auteur et on avance et on prendra cette question là. Il dit, awwaluha, le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiruha ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Il dit, ça c'est le dernier. Wa dalilu dhalika hadithu Abi Hurayra. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Abu Huraira. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Le hadith de Abu Huraira, il dit dans un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit. Donc c'est un hadith divin. C'est un hadith divin. Que Allah a dit que j'ai divisé la prière en deux. C'est-à-dire j'ai divisé la prière, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, dans ce hadith divin, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur. En deux parties. Quand le serviteur, donc la première partie c'est, le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin. Lorsqu'il dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », Allah dit « Mon Seigneur m'a loué. »« Mon Seigneur m'a loué. » Vous avez vu, il y a une sorte de dialogue. Ensuite, et quand il dit « Le tout miséricordieux », ouais, Allah dit « Mon serviteur, oui, m'a loué. »« Mon serviteur m'a loué. » Puisque le serviteur dit « Alhamdulillah, Rabbil Alamin. » Il dit donc « Allah, mon serviteur m'a loué. » Et quand il dit « Ar-Rahmani Ar-Rahim, le tout miséricordieux et très miséricordieux dans une traduction relative hein, et approximative, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur a fait mon éloge. Mon serviteur a fait mon éloge. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, maître ou souverain du jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'a glorifié. Et parfois, mon serviteur s'en remet à moi. Et quand il dit Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons seul et c'est de toi dont nous appelerons le secours, Allah dit ceci est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et quand il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, il dit ceci appartient à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Il devient clair, Cheikh dit, à travers ce hadith, que le début de la Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par conséquent, même si le prieur ne prononce pas délibérément Al-Basmala, sa prière sera valide, car Al-Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha. Vous avez vu? Donc Cheikh Al-Athamin a cité ce hadith-là concernant, il fait allusion à une question qu'on a dit précédemment. Est-ce que Al-Basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce qu'elle fait partie intégrante de Al-Fatiha? Est-ce que c'est un verset de Sourate Al-Fatiha? Ou bien, on dit le Basmala, ensuite on commence la récitation de Al-Fatiha, mais Al-Basmala ne fait pas partie de la Sourate. De sorte, les savants qui disent que si le Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha, ça veut dire que le premier verset de l'Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc vous comprenez pourquoi Shir, l'auteur ici dans son œuvre, il fait référence et allusion au hadith d'Abu Huraira. Pourquoi? Parce que Abu Huraira dit que le prophète a dit que Allah Azza wa Jal a dit mon serviteur lorsqu'il dit Alhamdulillah, Allah dit, oh pardon, lorsque le prieur dit Alhamdulillah, Allah dit mon serviteur m'a fait les louanges. Et donc, Cheikh, il déduit, comme d'autres savants, que le premier verset de l'Fatiha, ça serait donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça qu'il dit, après qu'il ait cité ce hadith-là, il dit Fatabayyana bihad al-hadith, anna awwal al-fatihati Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa lihada law asqata al-musalli al-basmalata. فَتَعَمَّدًا أَوْ فَمُتَعَمِّدًا فَصَلَاتُهُ صَحِيحًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ. Et cette question, vous allez vous poser la question, mais pourquoi les ulamas, par exemple, et Shir, en l'occurrence l'auteur du livre, fait allusion à cette question et parle de cette question. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a des conséquences. Là, à simple écoute, est-ce que le basmala fait partie de Sourate Al-Fatiha? Ou bien est-ce qu'elle ne fait pas partie de Sourate Al-Fatiha? Est-ce que Sourate Al-Fatiha commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ou bien elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Si elle n'en fait pas partie, alors ça commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi insister sur cette question-là? De sorte que les savants qui disent que Basmala ne fait pas partie de l'Fatiha et considère que le prieur, s'il a omis de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, sa lecture de l'Fatiha est valable. Sa lecture de l'Fatiha est valable. Et Cheikh Al-Uthaymeen va plus loin. Cheikh Al-Uthaymeen va plus loin. Il dit que s'il a même fait cela volontairement, s'il a fait cela volontairement, il n'a pas lu Al-Fatiha, Al-Basmala, pardon, volontairement, il a lu directement Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit, même là, il dit, sa prière est valable. Sa prière est authentique. Vous avez vu déjà les conséquences qu'il y a, selon l'avis des savants. Les savants qui considèrent, par contre, que Al-Basmala fait partie de Al-Fatiha. Celui donc qui commence directement Alhamdulillahi Rabbil Alamin sans dire Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, sa prière n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il a omis un verset de Sourate Al-Fatiha. Donc c'est comme si il n'a pas lu le Fatiha. Et comme on va voir les hadiths qui vont venir, voilà, la salat al-iman lam yaqra bi fatihat al-kitab. Bi fatihat al-kitab. Bima yata'allaq bi hadhihi al-mas'ala. En ce qui concerne cette question, يقول العلماء أما اختلاف أهل العلم حول قرآنية البسملة فلا يشمله هذا الحكم لأن أئمة القراءات لم يختلفوا في قراءتها في أوائل السور والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون على إثبات البسملة في أوائل السور عدا البراءة وذلك في المصاحف العثمانية الذي كتبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وبعث به إلى الأمصار ويقول الإمام الشوكاني في هذا واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف من لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت من لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة ولقد أجمع المسلمون على أن البسملة جزء آية من سورة النمل وذلك في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأجمع أيضا على أنه لا خلاف بأنها ليست آية بين سورتي الأنفال والتوبة بين سورتي الأنفال والتوبة لأن براءة نزلت بالسيف ولا يتناسب مع البسملة والبسملة مشتملة على معنى الرحمة واختلفوا فيما دون ذلك على مذاهب مختلفة وأقوال متباينة وعند المالكية البسملة ليست من القرآن في غير سورة النمل وهذا قول كثير من العلماء لكن سنفصل هذه المسألة في مواضع آخر puisque le kalam yatoul je vais vous traduire ces paroles là sur la question de l'basmala mais je vais la résumer d'abord. Je vais bien la résumer, ensuite je vous ferai le khulasa, le résumé des propos des savants concernant al-basmala. Concernant al-basmala pour surat al-fatiha. Nouassil le kalam al-musannif. Al-basmala tu ayat min kitabillah. Sauf que, où il n'y a pas de doute, c'est que le basmala, c'est un verset dans le livre d'Allah. Mais est-ce que c'est un verset dans surat al-fatiha, c'est le premier verset? C'est là où il y a les propos des savants sur ça. Et Cheikh Ibn Al-Thaymin, l'auteur du livre, lui, dit que elle ne fait pas partie de Al-Fatiha. Le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bel hiya ayat mustaqilla yu'ta biha fi ibtida'i kulli surah. Et les savants disent en fait, Al-Basmala, c'est un verset indépendant. On doit le dire avant la récitation de chaque sourate. On doit dire Al-Basmala avant la récitation de chaque sourate. Sauf, on avait dit à l'exception de Surat At-Tawbah, ou la Surat appelée aussi Bara'a, Surat Al-Bara'a, du désaveu, ou bien du repentir, ou bien du repentir. Et rappelez-vous, on avait cité la parole de l'auteur de Cheikh Ibn Al-Thaymin lorsqu'il a dit qu'il a trouvé dans certains masahif, Coran, que certains, à la place, on trouve en marge, يُكْتَبُ عَلَى الْهَامِشِ عِنْدَ ابْتِدَى بَرَاءَ comme il n'y a pas le basmala pour la surat al-tawba ou surat al-bara'a, il n'y a pas de basmala. Donc certains ils écrivent à la place de cela, ils disent أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَكَيْدَ الْفُجَّرِ وَمِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Il dit, certains écrivent ça dans, il a trouvé cela dans certains masahif. Et il dit, وَهَذَا وَجَدْتُهَا مَكْتُوبَةً فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ عَلَى هَامِشْ أَوَّلْ سُورَةِ الْبَرَاءَ وَهَذَا خَطَأٌ لَيْسَ بِصَوَابٍ قَالَ فَهِيَ لَيْسَ فِيَا بَسْمَلَا وَلَيْسَ فِيَا شَيْء بَدِيلْ عَنِ الْبَسْمَلَا. Il dit, ça c'est une erreur. Il dit, il a trouvé lui-même, il a vu ça dans certains masahif qu'ils écrivent cela. Ça c'est, il dit, c'est une erreur. Alors ensuite, dans les masaïl, c'est là que, parmi les questions à traiter concernant al-basmala, le fait que, ensuite on a dit, وَيُقْرَى الْقُرْآنَ قِرَاءَةً مُفَصَّلَةً Aya, aya. Et donc le Coran, ensuite on a dit la sunna du prophète, c'est de le réciter verset par verset. وَيَتَمَثَّلْ قَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Comme c'est dit dans le verset, où Allah dit, وَرَتِّلْ. Récite le Coran, tartila. Qalu, tartila. Wal ulama, rahimahumullah, yusammuna ma ja'a fi hadha al-hadith, biwaqfi sunnah. Biwaqf as-sunnah. Ils appellent ça le fait de s'arrêter à chaque verset, l'arrêt sunnah. Je vous traduis littéralement. L'arrêt sunnah, pourquoi? Parce que c'est rapporté du prophète, c'était la manière de réciter du prophète de s'arrêter à chaque verset. Wa dhalika li anna ulama al-qira'at. À savoir ça, je vous lis la parole de l'auteur du commentaire de la description de la prière de Cheikh Al-Albani. À savoir que Cheikh est spécialiste aussi de ce domaine-là, dans l'histoire des qira'at. Tariq al-qira'at, comment elles ont été enseignées, al-qira'at et autres, puisqu'il a justement une thèse de doctorat. Il a sa thèse de doctorat que lui-même, Cheikh Mohamed Bezmoul, a écrit, hafidhahullah, sur ça, qui est paru en deux volumes. Très, très beau livre, que je conseille les frères d'avoir un très beau livre concernant la révélation du Coran, l'histoire du rassemblement des sourates et du Coran, et il détaille tout ça ainsi jusqu'à ce qu'il va expliquer les lectures, les différentes lectures du Coran, comment est-ce qu'elles ont été enseignées. Il va expliquer le hadith que le Coran est descendu à la Sabat Ahruf. Il va expliquer ce hadith-là. Et tous les détails de cela. Très très beau livre, c'était une thèse de doctorat. Et il a d'autres recherches aussi. Et c'est là qu'on ne savait pas, on s'est rendu compte, enfin je ne savais pas, on s'est rendu compte que Cheikh était spécialiste de cette question aussi. Pourquoi? Parce que souvent il a traité. Il a fait des annotations de Al-Itqan, de l'imam Suyuti, Ulum al-Qur'an, de son livre Ulum al-Qur'an, de l'imam Suyuti. Et donc Cheikh, il est versé dans ce domaine-là. Regardez ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'il traite cette question-là dans son commentaire. Il fait allusion puisqu'il il, dans sa thèse doctorale, il a vraiment parlé de l'histoire de l'enseignement des différentes qira'at, différentes lectures du Coran. Et il dit, pour ça, il dit, وَذَلِكَ لِأَنَ عُلَمَا الْقِرَاءَةِ. Les savants des récitations du Coran, عُلَمَا الْقِرَاءَةِ مِنَ الْعُلُومَ الَّتِي يَبْحَثُونَهَا عَلَى الْوَقْفِ وَالْإِبْتِدَى. Parmi les questions que les grands récitateurs du Coran, ils ont traitées, la question du début et de l'arrêt. À quel moment on commence les versets, à quel moment on peut s'arrêter et on peut reprendre des versets. À quel moment on peut s'arrêter et puis on peut reprendre des versets. Il dit يُرَعُونَ فِي هَذَا الْعِلْمَ مَعَانِي الْآيَاتِ وَيُحَدِّدُونَ مَوَاضِعَ الْوُقُوفِ وَمَوَاضِعَ الْإِبْتِدَى. Et les savants, avec l'observation du Coran, c'est pour ça qu'il y a des moments, des passages dans le Coran, ils disent de ne pas s'arrêter. Il y a des moments, il ne faut pas s'arrêter. Par rapport à quoi? Par rapport au sens. Des moments où, par exemple, il est bon de continuer. Au lieu de s'arrêter, de continuer. Des moments, par contre, où il faut s'arrêter. Tout cela, ils ont émis cela en prenant en considération le sens. Le sens des versets. Wa fi hadha al-hadith bayan anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yaqifu 'inda akhir kulli ayah. Et de ce fait, il est dit, de ce hadith, il est clarifié que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Sawa in irtabata ma'naha bima ba'daha aw lam yirtabit. Il est dit que ce soit le cas où le sens des deux versets est lié, c'est-à-dire que le début du verset suivant est lié avec la fin du verset précédent ou non. Si le sens de la vie des deux versets sont liés ou ils ne sont pas liés, le prophète, il est dit qu'il s'arrêtait verset par verset, verset par verset. C'est pour ça que les grands savants qui ont justement étudié, enseigné les récitations du Coran, ces questions-là pour eux sont très importantes. Les questions de récitation du Coran, de tajwid, ça c'est très important pour eux. C'est pour ça que ça a même été mis dans des poèmes. Dans des poèmes pour que ça soit facilement enseigné. Comme l'auteur de Ibn al-Jazali. Le poème qu'on appelle Ibn al-Jazali, que lui-même était le grand imam des qira'at, des grandes récitations du Coran, grand imam dans la récitation du Coran. Le grand imam Ibn al-Jazali a écrit justement un long poème que les grands étudiants et le mashaykh apprennent. Où il y a les, subhanallah, les règles du Coran. Où il y a les règles, justement, et l'importance de la récitation du Coran, comme elle nous a été rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça nous est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fafi hada al-hadith bayan, anna rasul kana yaqifu inda akhir kuli ayah. سوين تروة معناها بما بعدها ولم يرتبط وهذا عند العلماء مقيد بالوقف على رؤوس الآية الذي لا يبطل المعنى ولا يحيله عن وجهه Pour cela, dans le hadith de Salama, il est rapporté que le prophète, lorsqu'il récitait Al-Fatiha, il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma yaqif ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف il s'arrêtait ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا الى اخر السوره et comme cela jusqu'à la fin de la sourate jusqu'à la fin de la sourate comme cela فهذا صفه قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم قراءه مفصله ça c'est quelque chose d'immense. Le savant nous dit, c'est la description de la récitation du messager d'Allah. Comme cela, le prophète, sallam, sa lecture était du Coran. Qira'atun, ils appellent ça mufassala. Une lecture vraiment détaillée. Littéralement. D'une traduction littérale. Yaqra'u aya aya. C'est-à-dire qu'il récitait verset par verset. Regardez ce que va dire l'auteur. Wa hakada 'ala al-muslim an yahrisa 'ala sunnati ar-rasul fil qira'ah. Et dit comme cela, le musulman, il doit être désireux de vraiment de réciter le Coran comme ça nous est rapporté du prophète sallam. Il dit wa kada 'ala al-muslim an yahrisa 'ala sunnati ar-rasul, qu'il soit désireux de pratiquer la tradition du prophète sallam dans la manière de réciter. Allati ya tatbiqu li qawli subhanahu wa ta'ala wa rattili al-Qur'ana tartila wa rattili al-Qur'ana tartila, pour mettre en pratique le verset et ratil, le Coran tartila. Fayaqifu ala kulli aya, hatta walaw irtabatat bil ayati allati taliha, même si le sens des deux versets sont liés. Wa man lam yakun fi hadha alwaqf ma yubtilu almaana wa yuhilu an wajhi wa qad nabaha ala hadha ulama alqiraat امثال جمال الدين السخاوي وامثال ابي عمرو الداني وابن الجزري. Vous avez vu, il fait référence à l'imam qu'on a cité précédemment, Ibn al-Jazari. Donc l'auteur, regardez, il fait référence à Jamal al-Din al-Sakhawi parmi les grands spécialistes de qiraat, وابي عمرو الداني وابن الجزري. وابن الجزري, c'est l'auteur justement du célèbre poème qu'on a dit Ibn al-Jazari. يقول راجع عفوي ربي السامعي Muhammad ibn al-Jazari al-Shafi'i. Il commence comme ça, il était d'obédience Shafi'ite. Qala wa ghayruhum min al-ulama. Thumma nabaha al-musannif rahimahullah ila wurud qira'ati fi surati al-Fatiha fi qawlihi maliki yawmiddin annahu kana sallallahu alayhi wa sallam taratan yaqra'u maliki yawmiddin. Et donc il est même rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans sa récitation dans le Fatiha maliki yawmiddin en mettant le alif, donc le maître, Maliki Yawmiddin, mais c'est rapporté aussi qu'il récitait Maliki Yawmiddin sans le alif. Regardez, il dit ثم نبه المصنف رحمه الله الى ورود قراءه في سوره الفاتحه في قوله مالك يوم الدين انه كان صلى الله عليه وسلم يقرا ترة مالك يوم الدين وهذه القراءه متواتره ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الجزري في كتابه تحبير التيسير في القراءه العشر قال عند فرش الحروف في سوره الفاتحه قرا عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك يوم الدين بالالف مالك يوم الدين بالالف زي عجيب الشيخ متخصص في هذه المسائل donc il dit c'est rapporté de grands imams de القراءات comme on a cité les grandes références عاصم والكسائي وخلف par exemple ويعقوب qui disait eux avec le alif مالك يوم الدين et il dit وقرأ Al-Baqoun et le reste, le réciter sans l'alif. Maliki Yawmiddin. Taïm. Donc ça, c'était fi hadihi al-Masala. Thumma qala Shumra Thaymin. On va avancer dans le texte. Donc ça, c'était une faïda sur la lecture du Coran. Thumma qala Shumra Thaymin. Wahiya raknum fi salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Donc la lecture de Fatiha dans la prière, c'est un pilier. Comme on verra, dans la prière, il y a des piliers, il y a des obligations, il y a des recommandations, il y a des choses permises. Ça fait partie des piliers. Par rapport au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, écoutez bien, on va lire les récits, différents hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous sont parvenus concernant l'obligation de réciter le Fatiha dans la prière. « Wa hiya raknu fala salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab » لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فقرأ اقرأ بها في نفسك. Est-ce que je voulais traduire en même temps ou on lit on avance en arabe? Je vous traduis en même temps les hadiths parce que écoutez bien. Surtout ces différents énoncés qui nous sont rapportés du prophète Sam concernant l'obligation de l'al-Fatiha. Mais vous allez voir, il y a des enseignements immenses dans ces hadiths là. Le premier hadith qu'a cité l'auteur, c'est ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La salat, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre. » Je l'appelle comme ça « Fatihat al-Kitab ».« Fatihat al-Kitab ». On a un autre hadith où il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui, quiconque accomplit une prière sans y réciter la mère du livre, cette prière sera incomplète. » Cette prière sera incomplète. Il est dit que Abu Huraira posa la question au prophète. Et lorsque nous prions derrière l'imam, donc dans ce récit-là, il est rapporté que Abu Huraira, regardez, il posa la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on prie derrière l'imam, ce qui prouve, juste une petite parenthèse, que ces questions de prière sont importantes. Si certains nous disent, ah, dites-en facile, ça c'est des détails, ils sont là à parler de détails. Ça prouve que c'est très important. Celui qui se dit, bon, je vais apprendre d'autres masaïls importantes, d'autres questions de la religion qui sont importantes, c'est pas ce que nous enseignent les compagnons. Pourquoi? Regardez Abu Huraira. C'est celui qui a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce silence qu'il laissait entre Takbirat al-Ihram et la récitation de l'Fatiha. Abu Huraira a posé la question. Et le prophète lui a enseigné Dua al-Istiftah. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce dora de l'istiftar qu'on récite avec l'immense récompense de réciter cette invocation. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne hein, nos fautes, bayn al-mashriq wal maghrib, qui nous purifie de ses fautes, qui nous lave de ses fautes, au début de chaque prière par rapport à la question de Abu Huraira. Abu Huraira pose la question au prophète lorsque le prophète a dit une prière dont n'a pas récité le Fatiha, celle-ci est nulle. Abu Huraira dit eh, mais si on prie derrière l'imam? Donc ça veut dire que c'est des questions immensément importantes. Et là, regardez ce que le prophète a dit, on le dit après l'adhan, inshallah. لا إله إلا الله اللهم ربي هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد وفضل أتي محمد وفضل وفضل وسيلة وفضل بعد جزا الله خير كلا الريكومبانس pour الأذان pour cette أذان pendant qu'il faisait l'أذان le muezzin je pensais à tout d'un coup m'est venue une réflexion je me disais subhanallah souvent on entend faites vite fais vite l'أذان surtout salat al-isha faites vite la prière. Si l'imam Yazid Aya, ou deux versets ou trois versets, c'est trop long. Alors faites vite parce qu'il y a le travail. Alors réduisez de la prière, faites des prières très courtes parce qu'on travaille. Naam, c'est très bien. Est-ce qu'on est déjà, on a déjà dit, travaillons moins pour faire une prière plus longue. Réduisons le travail pour prier plus long. Est-ce qu'on s'est déjà dit ça? Donc Allah dans le Coran a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِمَاذَا خُلِقْنَا لِمَاذَا خُلِقْنَا. Celui qui dit العمل عبادة, c'est pas un hadith. هذا ليس بحديث. لكن Allah عز وجل هذه آية قرآنية من كلام الله قال وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقت العمل نعم. Il y a un temps pour travailler. لكن هذا الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. الاسترزاق c'est entre صلاة الفجر وصلاة الظهر. لكن أنك خلقت لهذا. ودائما إذا كان في مسألة العبادة لابد أن نخفف العبادات. نخفف خطب الجمعة. نخفف الدروس. ونخفف القراءات. ونخفف الصلوات. On va arriver où avec les siècles? La na'budullah azza wa jal. Et rappelez-vous, vous savez, qira'at al-ahadith, fi zamani Ahmad ibn Hanbal, kana yutadhakkaruna al-masail wa al-ahadith kull al-layl. Min salat al-isha ila salat al-fajr. Jusqu'à salat al-isha jusqu'à salat al-fajr, as-salaf yatadhakkaruna al-ahadith ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bil-asanid. Qara Rasulullah sallam toute la nuit. Al masail. Masail fi salat, masail fi la. Ils apprenaient des hadiths toute la nuit. Juste je vous récite des hadiths sur la prière et je vous laisse inshallah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma yata'allaq bi mas'alat al-Fatihat al-Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. ولمسلم حديث أبو هريرة. Et demain, on fera la traduction des hadiths. Juge les récite en arabe, inshallah. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن كن وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. وله عن عطاء رحمه الله قال قرأ أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. قال له رجل إن لم أزيد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة. J'ai fait exprès d'attendre qu'il y ait tout le monde pour lire ce hadith. Juge, je vous récite ce hadith parce que ça, on l'entend dans notre mosquée. وَكُلُّنَا نُحَاسَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si l'imam ne le dit pas, يُحَاسَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسمعوا إلى هذا الحديث. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله أي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها. أخرج الترمذي ولفظ له وحسنه أبو داود. وفي رواية له قال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك يا رسول الله. إنا نصنع ذلك يا رسول الله. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. Ensuite demain je vous lirai les autres hadiths. Al-Muhim dans ces récits, un jour le prophète il a récité dans la prière du matin, du Fajr. وثقلت القراءة. Et ensuite, la lecture a été un peu thaqulat, lourde au prophète. Lorsqu'il a fini, le prophète Sam s'est retourné. Il entendait derrière lui réciter. Il a dit, est-ce que vous récitez le Coran pendant que moi je récite? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il dit, ne recommencez plus. Regardez. Arakum taqra'un wara imamikum. Qala qulna ya Rasulallah, ey wallah. Le Nabi Sallam dit, la taf'alu, sauf pour le Fatiha. Ne le faites pas sauf pour le Fatiha. Dans un autre récit, le prophète, un jour, il a récité, il a dit à ses compagnons, vous récitez le Coran pendant que je récite? Ils ont dit, oui, messager d'Allah, on le fait. Le prophète Sallam, alors ensuite, leur a dit, fala taqra'u bi shay'in min al-Qur'an. Ne lisez rien du Coran pendant que je récite. Et là, sincèrement, pourquoi je vous ai récité cela? Parce que souvent, pas que dans cette mosquée, souvent dans la mosquée, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui récitent. Il y en a pendant que l'imam y récite, normalement c'est un moment « natadabbar al-ayat ». On doit méditer les versets du Coran, on doit écouter les versets du Coran pour méditer. Il y en a qui récitent. Alors, il y en a qui perturbent leurs voisins, ils perturbent l'imam, ils perturbent les fidèles, et lui-même, ça se trouve qu'il diminue de la récompense de sa prière. Donc c'est pour cela, il faut du calme pendant la prière, laissons l'imam réciter les versets et méditons les versets, réfléchissons sur les versets qui sont en train d'être récités. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis vraiment désolé, on a dépassé de quelques minutes pour Salat al-Isha. Mais il est samedi soir, Inch'Allah, Inch'Allah yakun al-ajr, Inch'Allah.